truc de fou. Un truc de dingue. Nous sommes le peuple. goes, I've got my friends. Not alone. Alone. Malheureusement, peut-être.